بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence inshallah ta'ala, on continue inshallah ta'ala cette série de cours dans l'explication du chapitre de la fermeté sur le Coran et la Sunna tiré du Sahih de l'imam al-Bukhari. On est arrivé au sous-chapitre بَابٌ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. Et donc ici l'auteur, il nous dit donc le sous-chapitre de celui qui fait le lien entre un sujet connu et un sujet qui est détaillé, qui va être expliqué. Certes, Allah a expliqué le jugement. Allah a montré le jugement des deux sujets pour montrer, pour faire comprendre aux questionneurs. Et donc ici, barakallahu fikoum, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, ce qu'il veut par ce titre, il aborde le sujet du qiyas, l'analogie. On a vu précédemment, lors des cours précédents, on a vu qu'il est blâmable d'utiliser, d'exagérer dans l'analogie. Et ce qui était voulu à ce moment-là, comme on l'a expliqué précédemment, c'est utiliser l'analogie pour rejeter les textes de la législation. Mais est-ce que cela signifie que l'analogie est totalement interdite? Non. Au contraire, l'analogie, lorsqu'elle est bien faite, va être utilisée parmi les preuves de la législation. Et donc il nous faut déjà comprendre, barakallahu fikoum, qu'est-ce que l'analogie? L'analogie, les savants ils nous disent, il haqu far'in bi aslin fi hukmin li illatin jami'atin baynahuma. C'est le fait de faire le lien entre sujet secondaire et un sujet primaire pour obtenir un jugement en se basant sur un lien commun qu'il y a entre les deux. Je répète, c'est le fait de faire le lien entre un sujet secondaire et un sujet primaire. Le sujet secondaire, on ne connaît pas son jugement. On ne sait pas encore si c'est halal ou haram. Le sujet primaire, on connaît son jugement. Et donc, on fait le lien entre un sujet secondaire et un sujet primaire. Pour obtenir un jugement, quel jugement on veut obtenir? On connaît déjà le jugement du premier. Et donc, on veut obtenir le jugement du sujet secondaire. En se basant sur une cause commune qu'il y a entre les deux. On va voir un exemple, inshallah ta'ala, pour nous aider à comprendre cette définition de l'analogie. Exemple. Prenons par exemple le cannabis. On va voir un jeune, on lui dit le cannabis c'est interdit. C'est interdit le cannabis. Il me dit c'est pas marqué dans le Coran ou la Sunna que le cannabis c'est interdit. Et donc, on va regarder. L'alcool est interdit. Pourquoi? L'alcool est interdit parce que l'alcool fait perdre la raison. Très bien. Le cannabis, c'est pas marqué dans le Coran ou la Sunna. Le cannabis, est-ce que le cannabis fait perdre la raison? Oui, le cannabis fait perdre la raison. Et donc, on va faire le lien entre le cannabis et l'alcool pour obtenir un jugement, qui est le jugement de l'alcool, que c'est interdit, en nous basant sur une cause commune qu'il y a entre les deux. Quelle est cette cause? C'est que ce sont deux produits qui enivrent et qui vont faire perdre la raison. Tout simplement. Et donc, ici, l'auteur, il nous montre dans ce sous-chapitre que l'analogie fait aussi partie des sources de la législation. Et que lorsque nous avons précédemment cité l'exagération dans l'analogie, on ne voulait pas dire par là que toute forme d'analogie va être interdite. Non, mais l'analogie, si elle respecte les conditions citées, c'est-à-dire l'élément secondaire, l'élément primaire, la cause commune entre les deux et un jugement connu pour l'élément primaire. Si l'analogie respecte ces conditions-là et une autre condition qui est qu'elle ne s'oppose pas à un texte de la législation, alors c'est une analogie qui va être correcte. C'est une analogie qui va être correcte. Et donc là, maintenant, l'auteur, il nous montre des exemples d'analogie. Il nous cite la chaîne de transmission qui monte jusqu'à Abu Huraira, radiallahu anhu, qui dit « Anna arabiyan ata rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam faqal inna mra'ati waladat ghulaman aswad wa inni ankartuhu faqala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hal laka min ibil qala na'am qala fama alwanuha qala humr قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنا ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزعها قال ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. Et donc ici, Abu Huraira radiallahu anhu, il nous dit qu'un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, certes ma femme a enfanté un enfant noir et je l'ai rejeté, je ne le reconnais pas. Je ne le reconnais pas cet enfant. Alors ici, donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, est-ce que tu as des chameaux ? C'est un bédouin, il connaît les chameaux. Est-ce que tu as des chameaux ? Il a dit oui. Quelles sont les couleurs de tes chameaux ? Il a dit des chamelles rousses. Ok. Et est-ce qu'il y a parmi ces chamelles certaines qui vont être noires ? Ou une noire ? Il a dit j'en ai qui sont noires. Est-ce que tu en as une qui est noire ? Il dit, j'en ai qui sont noirs. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, mais comment est-ce que tu penses que cela leur est arrivé ? Qu'il y ait des noirs parmi des rousses. Il a dit, ô messager d'Allah, irkun naza'ah, c'est-à-dire, c'est une génération antérieure. C'est sûrement dû à une génération antérieure. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, alors, même chose, c'est sûrement dû à une génération antérieure. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas permis donc de rejeter cet enfant ou de ne pas l'affilier à lui. Et donc ici, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé l'analogie. Il s'est basé sur un élément qui était connu chez le questionneur afin de lui faire comprendre un élément qui n'était pas connu chez lui. Ce questionneur connaissait donc le fait que les chameaux, parfois, il se peut que les chameaux aient une couleur et qu'on voit un chameau qui va mettre bas à un chameau qui a une autre couleur. Pourquoi ? Bien parce que cela est sûrement dû à une autre génération, une génération antérieure. Et donc ce bédouin, il connaît cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc montré que pour l'être humain, on va avoir aussi ce genre de cas. Il a utilisé l'analogie pour lui faire comprendre. Et donc les savants, ils utilisent ce hadith et d'autres hadiths encore pour nous montrer qu'il est légiféré d'utiliser l'analogie dans la législation musulmane lorsqu'il y a nécessité. Et d'ailleurs, dans le Coran, il y a beaucoup d'exemples d'analogie. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples d'analogie dans le Coran. Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il nous dit dans son livre, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. L'exemple de ceux à qui la Torah a été donnée et qui ne l'ont pas utilisée, qui n'en ont pas profité, est comme l'exemple de l'âne sur lequel il y a des livres. L'âne ne profite pas de ces livres. Et bien pareillement pour eux, ils ne profitent pas. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, d'après Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, anna imra'atan ja'at ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qalat إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم فقال أقض الله الذي له أقض الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء الله أكبر. Et donc ici l'auteur, ici qui nous cite ce hadith, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qui dit qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Certes, ma mère a fait le vœu de faire le pèlerinage, mais elle est morte avant de faire le pèlerinage. Est-ce que je dois le faire pour elle ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oui, fais le pèlerinage pour elle. Vois-tu, si ta mère avait une dette, est-ce que tu aurais remboursé cette dette ? » On voit l'analogie ici. De la même manière que tu aurais remboursé la dette de ta mère, eh bien ici, ta mère, elle a une dette. Elle a fait un vœu de faire un acte et elle n'a pas pu le faire. Et donc, de la même manière, fais cet acte. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Uqdullah ! » Et donc, donnez à Allah ce qui lui revient de droit. Certes, Allah est plus en droit qu'on respecte ses engagements. Et donc ici, cette femme n'a pas pu respecter son engagement. Et donc sa fille va le faire pour elle. Et ceci est une analogie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a utilisé l'analogie. Donc tout ça pour dire, barakallahu fikoum, que l'analogie fait partie des sources de la législation musulmane lorsqu'elle est bien faite. Un exemple de mauvaise analogie. On a dit une analogie qui s'oppose à un texte, enfin, est-ce qu'une mauvaise analogie? Toyib. Al-Shaytan. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner pour Adam, il a fait une analogie. Il a fait une analogie, Shaytan. Il dit, tu m'as créé de feu et lui tu l'as créé d'argile, de terre. Je suis meilleur que lui. Pourquoi est-ce que je vais me prosterner pour lui? Et donc il a fait une analogie, vu que selon lui, le feu est meilleur que la terre. C'est donc à Adam de se prosterner pour lui et pas l'inverse. Et donc ici, cette analogie, elle est caduque pour plusieurs raisons. Première raison, lorsqu'il prétend que le feu va être meilleur que la terre. Les savants, ils nous disent, le feu détruit et la terre construit. Le feu est utilisé pour détruire. La terre va être utilisée pour bâtir, pour construire, pour avancer, pour planter, pour nettoyer. Et donc non, le feu n'est pas meilleur que la terre. Deuxièmement, cette analogie s'oppose directement à un texte. Allah Azza wa Jal t'a ordonné de te prosterner. Tu le fais. Et donc de la même manière, nous, au chers frères, nous ne devons pas chercher des analogies afin de rejeter les textes de la législation. Allah tabaraka wa ta'ala t'ordonne quelque chose, tu le fais. Allah ta'ala t'interdit quelque chose, tu le délaisses. Certaines personnes vont faire des analogies, Allahul Musta'an, pour faire des actes terribles, parfois même des meurtres. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de ne pas tomber dans cette erreur, car certes celui qui fait une mauvaise analogie pour rejeter un texte de la législation ressemblera